concept. Mobilize. Concept. Protection, I need protection. Protection, protection. Ninja City. Ooh. Yeah, yeah. Oh, ooh. Ah, yeah. Love it up here. Love it up here. Love it up here. Sunday evening on this planet with Reaper and Ninja. It's a power. With its finger, possibly, maybe, universal woman. Je rêvais d'un autre monde où la lune serait blonde. Je rêvais à point fermé. Je rêvais à point fermé. Je ne voyais plus mes pieds. Je rêvais d'un autre monde. La lune. serai blond. Je rêvais à point fermé. Non, je ne voyais plus mes pieds. Je rêvais d'un autre monde. Je rêvais d'une autre terre. Notre terre qui serait moins terre à terre. Je ne voyais plus mes pieds. Je rêvais à point fermé. Je rêvais la terre bleue. Blue, like an orange. Oh, do you hear me? Do you hear me, mention so? Do you hear me? Oh, je ne voyais plus mon pied. Notre terre, une terre, moins terre à terre. Je ne voyais plus mes pieds. Je savais plus qu'à faire, quoi chanter. Je rêvais d'une autre terre. Une terre, moins terre à terre. Aujourd'hui, capitale absolue, société du spectacle. Je pensais comme Arthur Rimbaud en liberté. Mes poches, moi, mes paletots étaient percés. Bien avant. Danse, danse, danse, danse. Stop to ground control. ocean. Je rêvais à point fermé. Je ne voyais plus mes pieds. Je rêvais à point fermé. Je ne voyais plus mes pieds. Yeah. because you need to. Drink. Water. Because you just need to drink. Water. Au début, il y avait H2O, la molécule primordiale. H2O. Une rivière. A river to go. It's a river. A river that. A river. River that. Go to the river to think. I see the moon on the Garona, au pied des Pyrénées. D'autres exemples. It's a river. Yeah. To flow. Wow. ocean. Time and space, continents, it's a ninja session.